Une nouvelle mentalité. En un quart de siècle, des changements profonds se sont produits dans la société et la vie quotidienne des Français. La stratification sociale s'est transformée en remettant en question les éléments fondamentaux du stéréotype national. On ne peut plus opposer le bourgeois au paysan, ni le parisien au provincial. Les traits qui les caractérisent n'ont pas disparu, mais ils se sont modifiés. Ils s'inscrivent dans le contexte actuel et s'enrichissent de conduites nouvelles. Le stéréotype en question. Avec la transformation des milieux sociaux et des modes de vie, beaucoup de comportements typiques se sont modifiés. La population rurale, réduite en nombre, s'est largement ouverte sur l'extérieur. La vie coopérative s'est développée et de nombreux agriculteurs, surtout parmi les jeunes, gèrent leur exploitation comme une entreprise. Chez les Français, l'esprit d'épargne n'a pas disparu, mais la pratique du crédit incite les ménages à s'endetter. Le français est aussi indiscipliné qu'autrefois. L'esprit révolutionnaire sommeille toujours en lui. Cependant, les barricades de 1968 ont fait place à des manifestations plus pacifiques orientées vers des revendications concrètes. La bourgeoisie traditionnelle a fait place aux classes moyennes, largement diversifiées. Même si les sondages indiquent un retour à la famille nucléaire tend à éclater. Union libre, souvent instable, enfants écartelés entre parents divorcés, mère ou père célibataire. La vie parisienne ne laisse plus guère de temps à la flânerie. Si l'esprit gouailleur et satirique se perpétue en France, il n'est plus le monopole du parisien. Les grandes villes vivent aujourd'hui au même rythme que la capitale, la vie urbaine s'uniformise. En France, on aime encore les bons repas et on y boit sec, mais les jeunes fréquentent le McDonald's et boivent du Coca-Cola. Des comportements nouveaux, ouverture. Sous l'effet combiné de la télévision, de l'accélération des transports et du développement des télécommunications, l'horizon des Français s'est élargi. Il vit au rythme de la planète. Naguère réputé casanier, il s'est mis à voyager à travers le monde. Solidarité. L'individualisme, dont la résurgence a marqué les années 80, prend aujourd'hui des formes nouvelles. Esprit de compétition, revendication de la différence. Mais en même temps, la solidarité est devenue solidarité, club, association, esprit d'équipe, bénévolat. Créativité. L'esprit d'invention ne s'affirme pas seulement dans la pratique du bricolage. Sous le nom de créativité, il inspire le lancement de nombreuses petites et moyennes entreprises, marquées du sceau de l'efficacité.